pieds sur le plancher. Un petit café, j'suis prête à démarrer. Anti-rum, caille-café, pour grand moins fort, ce sont la café rythmée. Et balancée. La musique est là, je marche avec elle. Elle flotte dans les airs, dans l'atmosphère. To the music, anti-rum, caille café, pour grand moins fort, ce sont la café rythmée. Get out et balancer. Get out, ancha. Rasta di banca de ayo café, musique yoga fumée zebla. J'en ai envahi toute rue à Villa. Anti-rum, caille café, pour grand moins fort, ce sont la café rythmée. Get out et balancer. Anti-rum, caille café, pour grand moins fort, ce sont la café rythmée. Get out et balancer. Et balancer.